Troisième partie. Jean ne sait jamais l'heure. Quand est-ce que Jean va arriver? Je ne sais pas. Téléphonez-lui et dites-lui de venir à 6 heures. Mais il est toujours en retard. Alors, dites-lui donc de venir à 6h20. Mais il ne sait jamais l'heure. Sa montre ne marche jamais.